L'ami par Henri Gréville. Chapitre 1er. Monsieur Paul Brécard a l'honneur de vous faire part de son mariage avec Mademoiselle Claire Langer. Saint-Martin-les-Mines, 15 juillet 1872. Depuis un bon moment, la feuille de papier satiné qui portait ces quatre lignes ne formait plus qu'une tache indistincte aux yeux de Camille. La jeune fille avait entr'ouvert les doigts. La lettre de faire-part s'était dérobée doucement en glissant sur la robe. Camille n'appartenait plus au monde présent. Se reportant de plusieurs années en arrière, elle revivait les quelques semaines qui avaient suivi l'annonce de ce mariage. Larmes de toutes les nuits, désespoir muet de toutes les heures, aisance affectée de tous les jours, apparence joyeuse cachant un cœur profondément ulcéré, voilà ce que le carré de papier lithographié rappelait à Camille. Elle méditait ainsi, la tête baissée, lorsque, la porte s'ouvrant, la lettre de faire-part s'envola et glissa sur le parquet. La jeune fille la ramassa avec cet air placide et supérieur aux choses de la vie qui ne la quittait guère, et se mit en devoir de la plier avec d'autres papiers épars dans un tiroir devant elle. « Que fais-tu donc là, Camille ?» demanda la vieille dame qui venait d'entrer. « Je range de vieux papiers, ma tante, » répondit Camille. « Dépêche-toi, ton oncle est rentré et il a grand faim. » Camille fit une rosette élégante au paquet de lettres qu'elle avait reformé, ferma le tiroir, mit la clé dans son porte-monnaie et suivit sa tante vers la salle à manger. C'était un intérieur tel qu'on en trouve encore dans certains quartiers de Paris, dans quelques rues des Batignolles ou de l'île Saint-Louis, un de ces intérieurs où l'esprit moderne n'a pénétré par aucune fissure. Toutes les ouvertures par lesquelles il eût pu se glisser semblait tamponné par d'épais bourrelets de préjugés et de vieilles habitudes. L'ère de 1877 n'y était entrée ni sous forme des rideaux en algérienne ou des meubles rembourrés de tampicots, ni sous celle de quelques cafetières à système ou d'une lampe à essence. La salle à manger était garnie, on oserait dire ornée, de meubles en acajou, style empire, recouverts de tissus de crin noir, luisants et piquants. Un épais paillasson de jonc natté s'étendait sous la table à rallonge. Des rideaux de damas de laine vert foncé protégeaient la fenêtre, défendue en outre contre le soleil par des jalousies vertes dont les planchettes retombaient les unes sur les autres avec un cliquetis effroyable chaque fois qu'on y touchait. Devant les chaises, de petits ronds de paillasson natté protégeaient les pieds contre la fraîcheur du dallage à damier noir et blanc, ou peut-être ce même damier contre les injures des souliers boueux. Enfin, tout y était encore tel qu'en 1848, lorsque le brave M. Froger était rentré effaré en disant que les sauvages de Noukaïva avaient envahi Paris pour le saccager. Le service de porcelaine blanche, l'argenterie arrondie par l'usage, le linge fin à lito bleu dataient de 1840. Aussi la cuisinière, qui avait perdu le goût mais que ses maîtres continuaient à proclamer un cordon bleu malgré ses bévues de plus en plus fréquentes. Dans cette maison, tout avait vieilli peu à peu, les objets comme leurs possesseurs. Mais rien n'y était ridicule, car la même atmosphère environnait tout d'une sorte de buée, ou plutôt d'un glacis uniforme qui harmonisait cet intérieur et n'y laissait point de disparate. M. Froger, assis devant le potage, la grande cuillère levée, la serviette nouée autour du cou, mesurait la soupe dans les assiettes avec la majesté d'un sacrificateur. « Allons, petite fille, » dit-il, « nous sommes en retard. Dépêchons-nous ou le potage sera froid. » Camille s'assit à côté de son oncle, lui adressa un sourire en recevant son assiette et se mit en devoir de témoigner de l'appétit. Madame Froger prit sa place en face d'elle et un silence béat régna dans la salle à manger. Elle était joyeuse, cette salle à manger, en dépit du crin noir et de l'acajou. Et ce qui lui donnait de la joie, ce n'était ni la cage de chardonneret, encore un oiseau passé de mode, qui de nos jours élève des chardonnerets, ni le bouquet de pivoine qui s'épanouissait sur l'étagère du buffet. C'était le visage, les cheveux blancs et les rubans jaunes de Madame Froger. Avait-elle été jeune, Madame Froger? On pouvait croire que non, tant la vieillesse affable, souriante, heureuse, paraissait l'avoir élue pour son temple vivant. Sur ce visage frais et uni, sur ses joues d'un rose tendre comme les roses du Bengale, dans ses yeux bleus, vifs et clairs, on ne rêvait pas d'autre expression que celle d'un calme profond, d'une joie intérieure. Ce n'était pas de l'apaisement, C'était la paix elle-même qui régnait sur ce front poli. Elle avait peut-être été laide étant jeune. À coup sûr, elle n'avait jamais été plus jolie qu'à présent. Avec ses tire-bouchons d'un blanc d'argent, sous les ruches de blonde de son bonnet à ruban de satin jaune. La bonne dame agita une petite sonnette de cuivre doré semblable à celle des enfants de cœur, et la cuisinière apparut. Une bonne odeur de saule au gratin l'accompagnait, et M. Froger cligna doucement l'œil droit à l'adresse de sa moitié rayonnante. « Une surprise, belle ? » dit-elle d'un air joyeux. « Ce n'est pas vendredi, cependant, et il me semble deviner. » « Du poisson, mon ami, c'est vrai. Que veux-tu, j'ai fait une folie. La marchande m'assurait que tu serais content. » « Elle avait bien raison, l'excellente femme. Voyons cette sole. » Il enfonça délicatement la vieille truelle à poisson dans la chair savoureuse et retira les filets avec les précautions les plus maternelles. Quand sa femme et sa nièce eurent reçu leur part, il s'adjugea d'un air complaisant ce qui lui revenait de droit, plus une cuillerée de champignons. « Belle, » dit-il d'un ton consterné, après avoir dégusté la première bouchée. « Belle, ils ne sont pas assez cuits. » La vieille dame leva ses mains au ciel. « Ah, mon Dieu, elle ne les aura pas goûtées, quel malheur !» Les deux époux se regardèrent d'un air désolé. On eût dit que le doryphore venait d'envahir leurs pommes de terre. Camille haussa légèrement les épaules et croqua délibérément son dernier champignon, presque cru, comme pour affirmer sa parfaite indifférence à l'égard du repas. « Tu as mangé cette horreur ?» lui dit son oncle sur le ton du reproche. « Et mon oncle, qu'importe ? Ce n'est pas là une affaire. Cru ou cuit, c'est toujours aussi indigeste. » « Camille ne prise point les douceurs de la table, » dit Madame Froger avec mansuétude. « C'est une vertu qu'elle a de plus que nous, mon ami. Hein ? Une vertu ? Je n'en sais rien. Est-ce une vertu que de ne point discerner ce que l'on mange ?»« À coup sûr, mon oncle, » dit la jeune fille avec un demi-sourire. « C'est un avantage. » car vous éprouvez en ce moment une déception à laquelle je puis compatir, mais que je ne partage pas. » Cette phrase, tournée à la façon de celle de l'ancien professeur de belles-lettres, eut le don de l'apaiser. Il s'adressa au filet de sole, non sans soupirer, délaissa les champignons avec les signes du plus profond regret, et le dîner s'acheva sans autre incident. Un beau soleil sur son déclin se glissait entre les planchettes des jalousies vertes. Madame Froger tira sur les ficelles. La machine lourde, bruyante et incommode remonta péniblement jusqu'en haut. Camille, qui s'était approchée pour aider sa tante à fixer la ficelle à l'appui de la fenêtre, releva la tête et reçut en plein visage le rayon d'or rouge qui effleurait les angles des maisons, les cimes des arbres, les arches des ponts, et jusqu'au remous de la Seine qui courait rapidement le long du quai. Elle regarda cette splendeur, étouffa un soupir et se détourna. « Tu as l'air fatigué, Camille, » lui dit sa tante avec intérêt. « Je suis fatigué, » répondit-elle sans la regarder. Elle prit un rouleau de chagrin posé sur un meuble et se prépara à sortir. « Tu vas donner une leçon ?» demanda Madame Froger. La jeune fille répondit par un signe de tête. « N'y va pas si tu es fatigué. Pour une fois, on peut bien t'excuser. »« Je n'aime pas manquer mes leçons, » dit Camille en continuant ses préparatifs. « Elle a raison. » dit sentencieusement l'ancien professeur. « L'exactitude est la politesse des rois et des artistes. »« Bonsoir, mon oncle, bonsoir, ma tante, » répondit Camille. « Je ne pense pas vous retrouver debout. Rentres-tu si tard ? J'ai une séance de 2 heures pour jouer à 4 mains. Je ne pense pas être de retour avant 10h30. » En disant ces mots, elle ouvrit la porte. « Bonsoir, alors, » dit la tante. « Prends quelque chose pour te couvrir, les soirées sont fraîches. » « Eh bien, » reprit l'oncle, « tu t'en vas sans nous embrasser. » La jeune fille revint sur ses pas, présenta son front à M. Froger et déposa un baiser sur le front de sa tante. « Bonsoir, » dit-elle sur le seuil. « Prends garde de t'enrhumer, » cria Mme Froger au moment où la porte se refermait. Restés seuls, les deux époux s'entre-regardèrent. « Qu'est-ce qu'elle a ? » dit enfin Philémon. Bossy soupira et ne répondit pas. « Quelle singulière idée de donner des leçons de piano, quand nous lui avons proposé 100 fois de vivre avec nous, comme nous, de notre petit bien-être. Mais non, mademoiselle est fière et ne veut rien devoir à personne. Il lui faut gagner sa vie, donner des leçons le jour et le soir. Si je ne l'aimais pas tant, je serais joliment en colère contre elle pour cette fierté ridicule. « Ce n'est pas seulement de la fierté, » dit la vieille dame avec tristesse. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Elle s'ennuie avec nous, mon pauvre vieux mari. Elle s'ennuie tant que tout prétexte lui est bon pour s'envoler. Elle a raison, la chère enfant. Nous ne sommes guère amusants avec nos vieilles manies, nos vieux discours, nos vieilles figures. Elle est jeune, il lui faut de la jeunesse, ses élèves l'amusent. » L'ancien professeur allait parler, mais sans doute il pensa que, suivant l'aphorisme, le silence est d'or. Il se contenta de s'enfoncer dans son fauteuil. Le rayon rouge se retirait, et l'appartement devenait de plus en plus sombre. Les époux restèrent silencieux, presque tristes. « Sébastien, » dit la vieille dame. « Isabelle, » répondit le vieillard. « Je pense qu'il faudrait tâcher de voir quelques amis, d'attirer un peu de jeunesse. Si Camille s'amusait, elle n'aurait pas tant d'envie d'aller ailleurs. Nous serions moins seuls et elle serait plus gaie. Et puis elle a 25 ans, si on pouvait la marier. À qui, grand Dieu, nous ne connaissons que des vieux comme nous. Mais ces vieux ont des enfants, comme nous avons Camille. Ils viennent seuls parce que nous n'invitons qu'eux, mais si l'on invitait leurs enfants, ils viendraient aussi. » « C'est probable, mais comment faire ? Il faudrait faire quelques visites à nos amis et connaissances et puis donner une petite fête. »« Un bal ? Un bal dans cette maison ?» s'écria Sébastien Froger, si effaré qu'il se leva et laissa tomber son étui à lunettes. « Pas un bal, Sébastien, pas un bal !» implora la vieille d'un ton à attendrir un roc. « Une petite soirée. On jouerait la bouillotte. On donnerait du thé, des petits gâteaux, comme autrefois, tu sais bien. » Quand tu étais au lycée Condorcet, quand nous recevions du monde. « Cela va être bien ennuyeux, » fit observer M. Froger. « Pas si ennuyeux, tu verras. Et puis enfin, Sébastien, c'est un devoir. Puisque nous avons adopté Camille comme notre enfant, puisque nous lui laisserons notre fortune, n'est-ce pas à nous qu'il revient de la présenter dans le monde, de la marier ?»« La marier ? Eh bien, et nous, qu'est-ce que nous deviendrons ?» s'écria naïvement le professeur. « Ce que nous pourrons, mon pauvre cher vieux ? Les jeunes se marient et les vieux restent seuls, c'est la loi commune. « Mais ce n'est pas juste !» s'écria Sébastien exaspéré. « Nous serons tristes comme des hiboux quand elle sera partie. Aimes-tu mieux qu'elle passe son temps à pleurer toute seule, comme tantôt ?»« Elle pleurait, » demanda l'excellent homme, soudain ému. « Elle avait pleuré quand je suis entré, en relisant d'anciennes lettres, sans doute, car elle avait encore le paquet dans les mains. N'as-tu pas dans l'idée qu'elle a aimé quelqu'un et qu'elle a été malheureuse ?» « Mais alors, » dit Froger, plein d'espoir, « si elle a aimé quelqu'un, elle voudra peut-être rester fidèle à son souvenir, et ça l'empêcherait de se marier. C'est précisément ce qu'il ne faut pas, Sébastien. Il faut qu'elle oublie et qu'elle se marie. C'est comme cela qu'elle sera heureuse, et non à vivre avec son triste passé. » En voyant s'évanouir son espoir, M. Froger redevint soucieux. « Il ne faut pas être égoïste, mon vieux mari. » dit Isabelle en posant sa douce main potelée sur l'épaule du professeur morose. « Il faut penser au bonheur des autres. Et puis, est-ce que nous ne resterons pas ensemble, toi et moi, pour mourir ensemble comme nous avons vécu ?» Sébastien baisa pieusement la main de sa fidèle compagne. « C'est égal, » dit-il avec un gros soupir. « J'avais pensé qu'elle nous fermerait les yeux et que, quand l'un de nous serait parti, elle aiderait l'autre à prendre patience en attendant la réunion. » « Nous étions deux égoïstes, mon ami, » répondit-elle. « Son bonheur n'est pas de rester à soigner deux vieillards et à en consoler un. Elle se mariera comme nous et sera heureuse comme nous. »« Dieu le veuille, » répliqua lentement Sébastien. « Nous avons eu des chagrins, ma bonne femme, mais nous avons pourtant été très heureux. Eh bien, qu'elle se marie donc, puisqu'il le faut. Mais à qui ?» Ils passèrent en revue tous les hommes qu'ils connaissaient, et tombèrent d'accord que pas un d'eux n'était digne de Camille. Il fallait donc se créer de nouvelles relations. Perspective effroyable, devant laquelle l'héroïsme nouveau-né de Sébastien eut reculé dès l'abord. Mais Isabelle était plus vaillante, et il fut convenu qu'on donnerait une soirée avec du thé et des petits gâteaux. Les projets et les arrangements futurs occupèrent si bien les deux époux qu'ils n'étaient pas encore endormis quand Camille rentra. Ils prêtèrent l'oreille un moment au bruit léger qu'elle faisait dans sa chambre, puis le silence régna partout. « Belle, » dit tout bas le vieux professeur, « il me semble qu'elle n'est pas couchée. »« Non, » répondit Madame Froger, « elle n'a pas ôté ses bottines. Je connais bien le bruit de sa porte quand elle les met au dehors. »« Qu'est-ce qu'elle peut faire là, immobile ?» demanda au bout d'un moment le vieillard inquiet. Madame Froger se laissa doucement glisser à bas du lit et s'approcha de la porte de communication. la lueur d'une bougie filtrait par le trou de la serrure. La bonne dame, après un moment d'hésitation, se baissa et appliqua son œil à cet observatoire naturel. Elle se releva aussitôt et revint vers son mari. « Eh bien ?» demanda nerveusement celui-ci. Elle regarde un papier posé devant elle. « C'est tout ?»« Oui. » »« Elle pleure ?»« Non. » Les vieillards, inquiets et muets, écoutèrent longtemps sans que rien ne trahît un changement dans l'attitude de Camille. Enfin, elle se leva lentement, remit la lettre de faire-part dans le tiroir où elle l'avait prise et se coucha sans bruit. « Il faut la marier !» dit tout bas M. Froget, désormais convaincu. Sa femme lui répondit en lui serrant la main, et ils s'endormirent aussitôt, fatigués de leur longue veille et tristes jusqu'au fond de leurs bonnes âmes.